madame et le petit monsieur. Dans la vie, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Il ne faut pas attendre de se faire trop vieux. Mon offre ne s'adresse pas aux miteux. Pas de limite à votre marge de crédit. J'ai pour vous un forfait tout compris. Des gens de votre rang ne regardent pas le prix. Welcome, good people. I'll take your money.